إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui c'est le cours numéro 35. Si je ne me trompe pas, dans les durus de Al-Aqidat al-Wasitiyya. Et c'est l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé au dars aujourd'hui, le sujet c'est Tabarru Ahlu Sunnati wal Jama'a Mimma yaquluhu al-Mubtadi'a Fi Haqqi Al-Sahaba wa Ahlu al-Bayt. C'est-à-dire le fait que les gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a ils se désavouent de ce que disent les Mubtadi'a au sujet des Sahaba et de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَ وَيَسُبُّونَهُمْ وَمِنْ طَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عن ما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي فيها فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدون إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce passage? On a lu une partie des paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, ça dit que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ils se désavouent de la voie des Rawafid. Et Rawafid, c'est un des groupes les plus importants parmi les groupes des Shia. Ok? Et le chef, il dit qu'on se désavoue de leur voix parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils insultent les Sahaba et ils les détestent. Ils détestent les Sahaba et ils les insultent. Donc nous, on se désavoue de ça. Et on se désavoue également de la voix des Nawasib. Et un Nawasib, c'est les gens qui font du mal ou qui nuisent à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit par la parole ou soit par les actions. Et le cheikh il dit ensuite, et il ne parle pas de ce qui s'est produit entre les sahaba de dispute. C'est-à-dire on n'en parle pas puis on ne rentre pas là-dedans. Ok, on dit à propos des choses qui ont été rapportées au sujet des mauvaises choses qui se sont produites entre les sahaba, on dit qu'il y en a parmi ces choses-là qui sont des mensonges. Ça c'est la première catégorie, c'est des choses qui sont des mensonges de qu'est-ce que les rafidats ont inventé contre les sahaba pour mentir à leur sujet. Il y a d'autres choses, à la base c'est basé sur une parole qui est, ou une narration qui est correcte, sauf que quelqu'un a enlevé ou rajouté quelque chose dedans. Donc l'information n'est pas restée authentique. Ou bien, après qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est authentique de qu'est-ce qui a été rapporté? On croit qu'ils sont excusés. Hein, si il y a des choses qui ont été rapportées, des choses qui ont été faites par les Sahaba qui sont mauvaises ou qui ont été, disons, incorrectes, eh bien on croit qu'ils sont excusés dans ces choses-là, dans ces péchés-là et dans ces erreurs-là. Pourquoi? Parce que ce sont des mujtahidoun, ce sont des savants de l'islam, ce sont des savants qui ont atteint un niveau d'ijtihad. Et donc, chacun d'entre eux, quand il faisait ce qu'il faisait, il avait l'intention d'arriver à la bonne conclusion et d'atteindre la vérité. C'était son intention sincère. Sauf que certains d'entre eux ont fait des jugements et ils se sont trompés, et d'autres ont fait des jugements et ils ont eu raison. Hein? Et donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui fait un jugement et qui se trompe, celui qui fait un jugement et qu'il a une bonne réponse ou qui est correct, il a deux récompenses. Toutefois, s'il se trompe, il a une au lieu de deux. Mais il n'a pas de péché. Il est excusé. Ok? Donc ça c'est notre position vis-à-vis des Sahaba, que ce qui a été rapporté à leur sujet qui est authentique et qui est correct, au sujet des disputes qui sont passées entre eux, puis des guerres qui sont passées entre les Sahaba, eh bien on dit que ils sont mujtahidoun, soit qu'ils ont eu une bonne position et qu'ils ont fait ils ont eu un jugement qui est vrai, correct, ou bien qu'ils se sont trompés, et dans les deux cas ils sont récompensés. D'accord? Après le chef, il dit, et Ahl Sunna wal Jama'a, on ne croit pas que chacun des Sahaba, chaque individu parmi les Sahaba est infaillible ou protégé de faire des péchés, même parmi les grands péchés. C'est-à-dire, on croit que les Sahaba, des individus parmi les Sahaba, ils peuvent faire des grands péchés. Ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas infaillibles de tomber dans le péché. D'accord? Donc, il se peut qu'on trouve de certains des Sahaba qu'ils fassent des grands péchés ou des petits péchés. Hein? Wahum, Azalika, ok. Même que c'est possible pour eux qu'ils fassent des péchés en général. Toutefois, ils ont, du fait qu'ils nous ont précédés dans la foi et qu'ils ont des mérites, hein, du fait qu'ils nous ont précédés dans la foi et qu'ils sont meilleurs que nous dans la religion, ça fait en sorte qu'ils sont plus proches du pardon que quiconque qui est venu par la suite. Donc peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait de péché, du fait qu'ils ont un mérite sur nous et du fait qu'ils sont qui nous ont précédés dans la foi, eh bien ils sont proches du pardon et ils seront pardonnés de ces péchés-là. Hatta, donc même parmi eux, il y en a qui vont être pardonnés d'avoir fait certains péchés que d'autres qui viennent après eux, s'ils font le même péché qu'eux, ils ne seront pas pardonnés. C'est-à-dire, il y a des péchés que les Sahaba ont fait. Si quelqu'un d'autre, après eux, fait le même péché, les Sahaba, eux, seraient pardonnés, mais ceux qui sont venus après, non. À cause des mérites qu'ils ont. Hein? Et le cheikh, il explique ça en disant, parce qu'ils ont des hasanat qui effacent les péchés, que ceux qui sont venus après eux n'ont pas. C'est-à-dire, les Sahaba ont fait tellement d'efforts, tellement de sacrifices dans l'islam, au début de l'islam, que les bonnes œuvres qu'ils ont et les bonnes actions qu'ils ont fait effacent les péchés que ceux qui viennent après eux ne peuvent pas atteindre ce niveau-là, dans ce sens-là. Et également, il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est la meilleure génération. Les Sahaba sont la meilleure génération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrun nas qarni. Ok, le meilleur des générations, c'est ma génération. Et également que une poignée de main en or qu'un des Sahaba donne en sadaqa, c'est mieux que la montagne de Uhud que l'un d'entre nous va donner en charité, en sadaqa. Donc ça veut dire pour lui il donne une poignée de main, et puis nous on donne une montagne, mais sa poignée de main est meilleure que la montagne d'or qu'on donne pour la cause d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Et ensuite, il dit, si un d'entre eux a fait un péché, eh bien, il est possible qu'il s'est repenti de ce péché-là, qu'il tabe minhu, ou bien qu'il fait des bonnes œuvres, qu'il les efface, ou bien à cause du mérite qu'il a et du fait qu'il nous a précédés dans la foi, on lui pardonne ce péché-là. Ou bien à cause de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les mu'minines, et eux, ils sont plus méritants de cette intercession-là que quiconque vient après eux, dans ce sens-là. Donc, peu importe qu'est-ce qu'ils ont pu faire de péché, à cause de toutes les choses qu'on a mentionnées, on voit que il mérite le pardon, et il faut donc éviter de parler d'eux pour quoi que ce soit de fitna qui se sont produits entre eux à l'époque. Ensuite, le cheikh il dit, ça c'est dans le cas des péchés qui sont clairs, qui sont des choses qui sont interdites dans l'islam si quelqu'un d'entre eux a fait un péché. Alors que dire s'il s'agit non pas d'un péché, mais des questions d'ijtihad, de jugement, dans lequel la personne qui a une bonne réponse ou qui se trompe, dans les deux cas, il a soit une ou deux récompenses. Donc dans ce cas-là, yani, peu importe s'il a fait une erreur ou s'il a eu le bon verdict dans son jugement, eh bien, il est pardonné. Il est pardonné de toute façon. Après il dit, ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. Le cheikh dit, et la quantité de choses qu'on peut critiquer de leur part, ou qu'on peut, disons, qu'on peut dénoncer, ou qu'on peut voir que ce sont des choses qu'ils ont faites qui sont mauvaises, c'est une petite quantité par rapport à un océan de bonnes actions et de bien que ces gens-là ont fait parmi les Sahaba. Donc, s'ils ont fait quelques petites affaires qui ne sont pas correctes, par rapport à tout le bien qu'ils ont fait, c'est insignifiant dans ce sens-là. Et quand on regarde, il y a par exemple le bien qu'ils ont de la foi en Allah et en son messager et de la lutte qu'ils ont fait dans le djihad, dans la lutte d'Allah, dans le djihad dans le chemin d'Allah, d'émigrer, de faire l'hijra, si ça veut dire là, de venir en aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la cause d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de la connaissance qu'ils ont possédée de la religion et des bonnes œuvres qu'ils ont faites. Tout ça ensemble, lorsqu'on regarde tout ça, on voit que réellement, si on observe ça avec connaissance et avec compréhension, on va voir que réellement, ces gens-là avaient des mérites, hein, et on va être convaincu que c'était les meilleurs hommes après les prophètes. C'était les meilleures personnes qui sont venues parmi la création après les prophètes. Et il n'y a pas eu avant et il n'y aura pas après eux meilleurs qu'eux. Parce que ce sont les meilleurs de tous les meilleurs de toutes les générations de cette Ummah. Et cette Ummah, c'est la meilleure parmi toutes les autres. Donc, c'est celle qui est la plus noble auprès de Dieu. Donc, ça c'est le texte de Al-Wasitiyya. Puis maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, il explique en détail, tous les détails de cette partie-là. Il dit, الشرح بين الشيخ رحمه الله في هذا أولا موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة وأهل البيت وأنه موقف الاعتدال والوسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء يتولون جميع المؤمنين لا سيما السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يتولون أهل البيت ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم. نعم. donc le cheikh il dit que premièrement أهل السنة والجماعة وعليكم السلام ورحمة الله ils ont une position de modération puis de justice en ce qui concerne les sahaba et les gens de la famille du prophète صلى الله عليه وسلم. On est au juste milieu à leur sujet, entre les deux extrêmes, entre ceux qui exagèrent et entre ceux qui ne leur donnent pas leurs droits et le respect qu'ils méritent. D'accord? Et on prend pour allier tous les mu'minines, et en particulier les premiers croyants parmi les muhajirines et les ansar, qui sont les sahaba, et ceux qui les ont suivis dans le bien, et donc on doit les aimer et on doit les prendre pour alliés et les aider et faire des doigts pour eux et yani, penser du bien d'eux. Et on doit également, prendre pour alliés les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on doit reconnaître le mérite et le respect qu'on doit avoir envers les sahaba et le mérite qu'ils ont et toutes les bonnes choses qu'ils ont fait dans l'islam. Et donc, également, il faut donner à la maison, c'est-à-dire à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leurs droits et les respecter, comme Allah nous a ordonné de respecter ces droits-là qu'ils ont sur nous. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم ويغنون في حق علي بن أبي طالب وأهل البيت. ومن طريقة النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرونهم ويطعنون فيهم وقد سبق بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة وأهل البيت ولكن الغرض من ذكره هنا مقارنته بالمذاهب المحرفة المخالفة له. الشيخ الذكر أهل السنة كما قلت tout à l'heure ils se désavouent des rawafid qui insultent les sahaba et qui les attaquent et qui les critiquent, et qui exagèrent au sujet d'Ali ibn Abi Talib et de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont même jusqu'à les adorer en dehors d'Allah, et à les prendre comme des intercesseurs et des intermédiaires en dehors d'Allah, et d'aller à leur tombe et de les invoquer, et de leur sacrifier des animaux, ou bien de leur faire des invocations, etc. Tout ça, ça rentre dans le shirk, hein, de chercher le secours en eux, et des choses de ce genre. Donc tout ça, ça rentre dans l'exagération au sujet des gens de la famille du prophète, Donc on se désavoue de ces gens-là qui font ça et qui insultent Abu Bakr et Omar et le reste des Sahaba. Hein, tout ça c'est des formes d'extrémisme. Et on se désavoue également des Nawasib, ceux qui détestent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les déclarent kuffar et qui les critiquent et qui les attaquent. وقد سبق donc on a expliqué déjà la position de Ahl Sunnah wal Jama'a vis-à-vis des Sahaba et de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on voulait mentionner ça ici comme le cheikh explique dans le but de comparer entre les groupes qui ont dévié à ce sujet-là et qui ont contredit Ahl Sunnah wal Jama'a dans ce sujet-là. ثانيا بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في وقت الفتنة والحروب التي حصلت بينهم وموقفهم مما ينسب إلى الصحابة من مساوئ ومسالب وعليكم السلام ورحمة الله اتخذها أعداء الله سببا للوقيعة فيهم والنيل منهم كما حصل من بعض المتأخرين والكتاب العصريين الذين جعلوا أنفسهم حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوبوا وخطأوا بلا دليل بل باتباع الهوى وتقليد المغرضين الذين يحاولون الدفع على المسلمين بتشكيكهم بتاريخهم بتاريخهم المجيد وسلفهم الصالح الذي هم خير القرون لينفذوا من ذلك إلى الطعن Donc le cheikh il explique que deuxièmement, le cheikh a expliqué la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de ce qui s'est produit entre les Sahaba de discorde et de désaccord dans la période de la fitna et des guerres qui se sont produites entre eux. Et que la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de qu'est-ce qui est attribué aux Sahaba, de choses incorrectes ou de choses mauvaises, c'est, yani, leur position à ce sujet-là, c'est qu'est-ce qu'on va détailler tout de suite après, mais c'est que les guerres et la fitna qui se produit entre les Sahaba, c'est utilisé par les ennemis de l'Islam comme un moyen pour essayer d'attaquer les Sahaba et disons, d'atteindre leur respect et leur honneur, l'honneur et le respect qui leur est dû. Et il y a des auteurs contemporains qui ont commencé à essayer d'écrire sur le sujet des Sahaba et de qu'est-ce qui s'est produit au niveau de l'Islam, dans l'histoire de l'Islam, et qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont commencer à essayer de juger entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de dire lequel était correct, lequel n'était pas correct, et lui avait raison, lui avait pas raison, etc. Et il se base sur aucune preuve. Ils disent lui il a raison, lui il n'a pas raison, puis ils se basent juste sur leurs propres opinions. Hein. Il y a même des gens parmi ces auteurs contemporains-là, ils ont essayé de faire une image de qu'est-ce qui s'est passé entre les Sahaba en comparant un peu les courants politiques actuels, la gauche, la droite, hein, un tel Sahabi était de la gauche, l'autre Sahabi c'était de la droite, et eux ils étaient, des analyses qu'ils font là comme si c'est des analyses politiques du monde contemporain, et ils placent un tel Sahabi, lui il avait de l'argent, il était dans la droite, et l'autre il était pauvre, c'est la gauche, hein. Il y a des auteurs contemporains qui ont fait ça. Et il y en a qui critiquent les Sahaba d'une façon, il y en a qui ont critiqué Othman comme Sayyid Qutb. Il a parlé du khilafa de Othman, en parlant de son khilafa, il a dit que c'était comme une sorte d'espace sombre, entre le reste des khulafa rachidin, pour essayer de l'insulter ou de rabaisser de son importance, hein. Et ça c'est bien entendu pour faire plaisir aux Rafidah, hein, aux Rafidah. Puis Cheikh Rabi' il a un livre écrit sur ce sujet-là, Mata'il Sayyid Qutb fi Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être une bonne fois on aura l'occasion de mentionner certaines de ces passages dans ce livre, dans lesquels il mentionne les critique, ou bien il mentionne dans ce livre-là comment c'est trop à parler en mal des Sahaba dans ses livres. Donc, à l'époque même de Sayyid Qutb, il y avait même des choujours qui vivaient à l'époque de Sayyid Qutb qui ont réfuté Sayyid Qutb à ce sujet-là, comme Ahmed Shakir et d'autres. Donc, c'est pas nouveau que des ulama critiquent Sayyid Qutb sur ce sujet-là et sur d'autres sujets. Durant son vivant, il a été réfuté et critiqué par les ulama sur ce point-là. Donc, ça c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui critiquent, par exemple, Muawiya, ou qui critiquent Abu Sufyan, et d'autres parmi les Sahaba, et ça c'est pas permis de faire ça. Il faut leur vouer à tous le respect, et éviter de mentionner des choses qu'ils ont fait de mal, parce que comme on a dit, comme on va dire encore une fois, yani, c'est la meilleure des générations. Et c'est les meilleurs après le prophète, après les prophètes. Et on va expliquer ça en détail. Mais ceux qui attaquent les Sahaba, souvent aussi vous allez voir dans les livres des orientalistes qui parlent de l'islam, quand ils parlent de la division qui s'est passée par exemple entre les musulmans, ils parlent de la période des Sahaba et qu'est-ce qui s'est passé entre eux, ils parlent de ces choses-là d'une façon très sombre et ils mélangent le vrai et le faux et ils mentionnent toutes sortes de choses, peut-être qu'ils ont pris des narrations des Rafida et des Shi'at et tout ça, et ils les mélangent avec d'autres choses, puis ils présentent ça aux gens, et ça donne aux musulmans, parfois des musulmans qui n'ont pas étudié l'histoire islamique comme il faut, ça leur donne une image vraiment déformée de la réalité des Sahaba. Et même parmi des jeunes musulmans que j'ai entendu des commentaires de certains jeunes parfois, qui avaient tellement une mauvaise image de l'histoire de l'islam, et de l'histoire des musulmans, c'est comme si pour eux ils disent ah mais l'histoire de l'islam, l'histoire des pays musulmans c'est juste des meurtres, des tueries et des choses comme ça, hein, parce que c'est la façon comment on leur a présenté leur histoire, d'accord, et en particulier si ceux qui nous ont inspiré l'histoire ou qui nous ont montré cette histoire là c'est des non musulmans, et puis la plupart des auteurs contemporains qui ont écrit sur ces choses là se basent sur les écrits des orientalistes, hein, ils se basent sur les écrits des occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur les musulmans, et puis ils le traduisent en arabe, ou bien ils l'expliquent d'une façon occidentale. Donc, c'est bien normal par la suite qu'ils ne vont pas avoir une bonne opinion de leur histoire. Donc, ça c'est un point important à comprendre. Donc, eux, ils veulent mettre des doutes dans la tête, dans le cœur des musulmans au sujet de leur histoire, de leur grande histoire et au sujet des salaf salih. Si tu es capable de, si tu arrives à, disons, donner aux musulmans ou faire croire aux musulmans que leurs salaf étaient des gens qui sont pas corrects, qui étaient pas bien, eh bien, c'est sûr que par la suite, tu n'auras plus tout le reste, yani, tu vas pas avoir un respect et une belle image de qu'est-ce qui est venu par la suite. Par rapport à l'islam. Et c'est ça ce que les chiens font. Quand ils font la da'wah, quand ils veulent appeler les gens à entrer avec eux dans leur égarement, eh bien, ils commencent à essayer de répandre des mensonges qu'ils ont inventés au sujet des sahaba. Ils vont dire, par exemple, des choses mauvaises au sujet de Abu Bakr, des choses mauvaises au sujet de Omar, et d'autres sahaba, et ils disent ça par exemple pour montrer qu'ils défendent Ali et Fatima et Al-Hassan et Al-Hussein et d'autres parmi la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils se permettent d'insulter les sahaba sous prétexte de vouloir défendre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est leur ruse, c'est cette méthode là qu'ils utilisent, donc il faut éviter de tomber dans ce piège lorsqu'on les entend parler. Et donc c'est ça. Après le cheikh il dit: وَمَا أَحْسَنَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخ هُنَا مِنْ تَجْلِيَةِ الْحَقِّ وَإِضَاحِ الْحَقِيقَةِ فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ مَوْقِفَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِمَّا نُسِبَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ أَيْ تَنَازَعُوا فِيهِ يَتَخَلَّصُ فِي أَمْرَيْنِ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ أَنَّهُمْ يَمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ أَيْ يكفون عن البحث فيه ولا يخوضون فيه لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من أعظم الذنوب فطريق السلامة هو السكوت عن ذلك وعدم التحدث به والأمر الثاني الاعتذار عن الآثار المروية في مساويهم لأن في ذلك دفاعا عنهم وردا لكيد أعدائهم وقد ذكر أن جملة الاعتذارات تتخلص فيما يلي شيخ الفيك شيخ ابن تيمية il a bien expliqué d'une façon claire la réalité au sujet de qu'est-ce qu'il a mentionné de la position d'Ahl-Sunna wal-Jama'a au sujet de ce qui est attribué aux Sahaba par rapport à la dispute et aux désaccords qui se sont produits entre eux. Et on peut résumer ça en deux grands points. Le premier, c'est qu'on se tait, on ne parle pas et on ne cherche pas et on ne rentre pas dans les disputes de qu'est-ce qui se sont passés, des guerres et des fitnas entre les Sahaba. On ne rentre pas là-dedans. Hein, si quelqu'un rentre là-dedans, on ne rentre pas avec lui. Parce que de rentrer dans ces choses-là, hein, ça amène ça va amener comme une sorte de haine et, disons, une sorte d'animosité et de haine envers les Sahaba du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est parmi les plus grands péchés. Donc, la meilleure façon de s'éloigner et d'éviter ça, c'est de se taire et de ne pas rentrer là-dedans et de ne pas en parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les Sahaba au moment de la fitna? Hein, que ce soit Al-Jamal ou Al-Safin et d'autres batailles qui se sont passées entre les Sahaba, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et la deuxième chose, c'est de chercher des excuses par rapport aux textes et aux narrations qui ont été rapportées au sujet des péchés ou des fautes qui ont été faites au sujet des Sahaba. Et ça, c'est dans le but de les défendre. Et de réfuter les ruses des ennemis des Sahaba. Et parmi les excuses qui ont été rapportées par Ibn Taymiyyah ici dans ce livre-là, on peut les résumer en les points qui suivent. Premièrement, هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب وقد افتراه أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم كما تفعله الرافضة قبحهم الله والكذب لا يلتفت إليه. Donc le cheikh il dit que parmi ces choses-là, parmi les choses qui ont été rapportées, les narrations qui ont été rapportées au sujet des péchés ou des fautes des Sahaba, il y en a une catégorie que c'est des purs mensonges. Ok? Donc quand c'est des purs mensonges, ça veut dire que ça, c'est des choses que les ennemis des Sahaba ont inventé ça pour salir leur réputation et pour nuire à leur réputation, comme les Rafida, hein, le Cheikh il dit qu'Allah les maudisse. Et il dit, on ne doit même pas donner une importance à ces mensonges-là et on ne doit même pas s'en préoccuper. Deuxièmement, il dit, هذه المساوي المروية منها ما قد زيد فيه أو نقص فيه أو نقص أو غير من وجهه الصحيح ودخله الكذب فهو محرف لا يعتمد عليه لأن فضل الصحابة معلوم وعدالتهم متيقنة أو متيقنة فلا يترك المعلوم المتيقن لأمر محرف مشكوك فيه. لشيخ الذكر. Parmi les choses qui ont été rapportées également, qui font partie qui ont été rapportées au sujet des fautes et des péchés des Sahaba, il y a une catégorie qui est, c'est-à-dire on les a déformés de leur forme correcte et de leur version authentique en ajoutant ou en enlevant quelque chose. Donc, dans ce cas-là, c'est, disons, le cheikh il dit qu'il y a des mensonges qui sont rentrés dans ces narrations-là, et donc on ne peut pas se baser sur ces rapports-là, sur ces narrations-là. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que les Sahaba, on connaît leur mérite et on connaît, on sait qu'ils sont des gens justes et qu'ils sont des gens droits. Donc, ça c'est une chose qui est certaine et on est convaincu de ça. Et donc, on ne peut pas laisser tomber une connaissance qui est certaine pour quelque chose qui a été déformé et qui est douteuse. D'accord? Donc, les mensonges que ces gens-là rapportent, qui ont été déformés, on doute de l'authenticité de ces textes-là. Et donc, on n'abandonne pas ce qu'on sait avec certitude pour des choses qui sont douteuses de cette façon-là. Après, le cheikh il dit, wa sahih, minhu, أي من هذه الآثار المروية هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون فهو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. الشيخ explique, il dit, ce qui a été rapporté au sujet des Sahaba et qui est authentique à propos de ces fautes-là qu'ils ont faites, ils sont excusés là-dedans parce que ce sont des mujtahidun, ce sont des ulama mujtahidun et ils peuvent parfois se tromper et parfois ils font une ijtihad et ils ont une bonne réponse et parfois ils se trompent. Donc, dans les questions qui ont rapport avec l'ijtihad, si le mujtahid a une bonne réponse ou a un bon verdict, il a fait un bon hukum, dans ce cas-là, il a deux récompenses. Et s'il se trompe, il a une seule récompense au lieu de deux. C'est-à-dire, il a la récompense pour son ijtihad, s'il a la bonne réponse, et en plus, il a la récompense pour avoir eu la bonne réponse. Donc, il a deux récompenses. Tandis que l'autre qui s'est trompé, il n'a pas de récompense parce qu'il n'a pas eu la bonne réponse, mais il a quand même une récompense d'avoir fait une ijtihad, d'avoir fait l'effort. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il est excusé dans les deux cas. Ok? Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira et Amr ibn al-As, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit si le mujtahid, le juge, fait un ijtihad et qu'il a une bonne conclusion, ça lui donne deux récompenses. Et s'il fait un ijtihad et qu'il se trompe, alors il a une seule récompense au lieu de deux. D'accord. Et il y a un bon livre qui a été écrit à ce sujet-là, au sujet de qu'est-ce qui s'est passé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les sahaba, qui se base sur les narrations authentiques. Et le livre s'appelle Al-Awasim min al-Qawasim. Et c'est écrit par Al-Hafiz Abu Bakr Ibn al-Arabi. Et ça, c'est un des meilleurs livres qui a été écrit à ce sujet-là. Al-Awasim min al-Qawasim. Et ça, c'est un alim, yani, qui a vécu dans les siècles, yani, ça fait très longtemps, yani. Donc, c'est un livre très ancien, mais vraiment, il rapporte qu'est-ce qui s'est passé entre les Sahaba et il répond aux accusations des Rafidah, les Shia. Hein, il démontre le mensonge de ces gens-là, comment ils ont menti au sujet des Sahaba. Donc c'est très important, si vous pouvez vous procurer ce livre-là, il y en a des copies en haut, dans la bibliothèque, puis vous pouvez le trouver également sur Internet. Non, il n'est pas en français encore, Inch'Allah. Le cheikh il dit, « Annahum bashar yajouzu ala afradihim » ما يجوز على البشر من الخطأ فأهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة منها. الشيخ الزكر ce sont des êtres humains les sahaba, premièrement. Et donc, c'est possible pour eux de faire des péchés. C'est-à-dire, c'est possible qu'ils tombent parfois dans des péchés, comme pour le reste des êtres humains. Ok. Mais Ahl-Sunnah wal-Jama'a, on ne croit pas que, comme j'ai dit, on ne croit pas que Ahl-Sunnah wal-Jama'a, non, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, on ne croit pas que chaque individu parmi les Sahaba est protégé de tomber dans des péchés, que ce soit des grands ou des petits péchés. C'est permis pour eux et ils peuvent tomber dans des péchés en général. Mais lorsqu'ils font des péchés ou lorsque ça leur arrive, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent expier ces péchés-là de leur part. C'est-à-dire qui peut faire en sorte que ces péchés-là sont effacés pour eux. Parmi ces choses-là, le cheikh, il mentionne quelques exemples. Il dit par exemple, premièrement, أن لهم من الثوابق والفضائل ما يجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر فما يقع من أحدهم يغتفر بجانب ما له من الحسنات العظيمة كما في قصة حاطب لما وقع منه ما وقع في غزوة الفتح غفر له بشهوده وقعة بدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن له من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. Le chef il explique et il dit que donc les sahaba comme on a dit tout à l'heure ils ont le fait qu'ils ont précédé et qu'ils ont des mérites par rapport à ceux qui sont venus après eux, donc ça fait en sorte qu'ils sont pardonnés ce qui leur est arrivé comme péché et des choses comme ça. Et ce que l'un d'entre eux a fait comme péché, eh bien, c'est recouvert par la grande quantité de péchés, par la grande quantité des bonnes œuvres qu'ils ont fait. Donc ça veut dire c'est comme s'ils ont une petite faute, mais cette petite faute-là est les rien par rapport à la montagne de bonnes œuvres qu'ils ont, qui viennent effacer ou qui viennent enlever, disons, ce péché-là. Et le cheikh, il mentionne l'exemple de Hatib ibn Abi Balta'a, qu'on avait mentionné dans le dars de mercredi passé, le sahabi qui avait envoyé une lettre aux gens de Mecca pour les avertir de qu'est-ce qu'il allait faire, c'est-à-dire qu'il allait venir avec une armée prendre la Mecque. Et donc, il avait envoyé une lettre aux gens de Mecca pour les avertir de ça, dans le but que sa famille et ses biens soient protégés. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, bon, il a demandé à Hatib pourquoi tu as fait ça, et Hatib lui a expliqué, tes compagnons, ils ont des familles qui protègent leurs biens et leurs familles et tout ça. Mais moi, je fais partie d'une catégorie des gens là-bas. J'ai personne pour protéger mes biens, ma famille. Et j'ai voulu, en faisant ça, trouver quelqu'un pour protéger ma famille, mes biens. Et donc, le prophète Salam, il a dit, tu as dit vrai. Et Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a dit au prophète Salam, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a témoigné de la bataille de Badr. Et Allah a dit au sujet des gens qui ont participé à la bataille de Badr, faites ce que vous voulez, car je vous ai pardonné. Okay? Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui a participé donc à cette bataille-là, qui était la première bataille dans l'islam, eh bien il a un mérite. Juste le fait d'avoir participé à cette bataille, ça lui donne un mérite que personne d'autre qui vient après va pouvoir accéder à ce mérite-là. Et donc, c'est pour ça que, en montrant ça, on voit que les bonnes œuvres des Sahaba ont, par rapport à nos bonnes œuvres à nous, une valeur beaucoup plus grande. Du fait qu'ils les ont fait au tout début de l'islam, alors que l'islam était encore faible, et au tout début, et que personne croyait à l'islam excepté eux dans le monde, hein, et que ça demandait de leur part beaucoup plus de sacrifices, beaucoup plus de force, beaucoup plus de d'épreuves et tout ça, donc ça en lui-même, ça fait en sorte qu'ils ont beaucoup plus de valeur dans leurs actions que nous par la suite. Puis également, donc le cheikh il dit que certains d'entre eux, ils seront pardonnés d'avoir fait certaines fautes et certains péchés, mais ils vont être pardonnés. Non, je pense qu'ils sont partis. Ok, c'est des petits là qui crient, hein. Ouais, c'est des petits enfants dehors. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le cheikh, que même si un d'entre eux, par exemple, a fait un péché, et que nous, aujourd'hui, on faisait le même péché, ça se peut que lui, il soit pardonné pour ce péché-là, tandis que nous, non, par rapport à la grandeur de leur mérite, par rapport à notre mérite, et par rapport aux actions qu'ils ont faites, qui peuvent effacer ces péchés-là, tandis que nous, on n'a pas fait des actions comparables qui peuvent effacer nos péchés à nous. Donc c'est ça la comparaison et l'exemple que le cheikh a donné. Et il y a un verset dans le Coran, c'est le surat Hud, le verset 114, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Inna al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Donc quand tu fais quand tu as fait un péché, fais que après ce péché-là, fais des bonnes œuvres pour effacer ton péché. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Donc ça veut dire que si tu fais un péché, fais-la suivre par des bonnes œuvres, et ça va effacer ton péché. D'accord? Et le cheikh il dit ensuite, وَأَنَّهُمْ تُضَعَفْ لَهُمْ الْحَسَنَاتِ أَكْثَرْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَا يُسَاوِيهِمْ أَحَدٌ فِي الْفَضْلِ. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. أخرجه الشيخان وغيرهما أحاديث عن أبي هريرة وابن مسعود وعمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم الحديث. والقرن جمع والقرون جمع قرن والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة يطلق القرن على المدة من الزمان. دونك لشيء في الذكر كما نزي يلزم les Sahaba, leurs bonnes œuvres sont multipliées dans leur récompense et dans leur valeur. Et personne ne peut les égaler dans le mérite qu'ils ont. Et ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont la meilleure génération. Et que si l'un d'entre eux donnait une poignée d'or en sadaqa, et bien, cette poignée d'or-là aurait plus de valeur que la montagne d'or que l'un d'entre nous voudrait donner en sadaqa. Et ça a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans d'autres, il y a d'autres hadiths également rapportés par Abi Huraira ibn Mas'ud et Imran ibn Hussein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure génération c'est ma génération, puis celle qui la suit. Donc ça c'est le hadith. Et Al-Qurun en arabe, qu'on traduit comme étant génération, c'est le pluriel de Qarn. Et Al-Qarn c'est quoi? C'est des gens qui vivent dans une même période de temps. Hein. Et on utilise parfois Qarn aussi pour parler d'une période de temps. Après le cheikh il dit وكثرت المكفرات الذنوب لديهم فإنهم يتوفر لهم من المكفرات ما لا يتوفر لغيرهم فإذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته وسابقته أي الأعمال الصالحة التي أسبقها قبله أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه أي امتحن وأصيب بمصيبة محي عنه ذلك الذنب بسببها كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه والصحابة أولى الناس بذلك الشيخ الزكاة Les Sahaba, ils ont beaucoup de causes pour faire expier et effacer leurs péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait beaucoup de choses qui peuvent faire, justement, faire en sorte que leurs péchés soient effacés par rapport aux autres, par rapport à ceux qui sont venus après eux. Par exemple, il dit, le cheikh il dit que s'ils ont fait un péché, eh bien, c'est possible qu'il se soit repenti de ce péché-là, premièrement. Il a fait tawbah. Deuxièmement, c'est possible aussi qu'il a des hasanat, qu'il les efface, ou qu'il a été pardonné de ces péchés-là parce qu'il a été, à cause de ses mérites et à cause du fait qu'il a précédé les autres dans la foi, qu'il a précédé les gens dans la foi. Également, les bonnes œuvres qu'il a fait auparavant aussi, et aussi à cause de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour eux au jugement dernier, parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour les mu'minines, et eux les sahaba sont ceux qui méritent le plus d'avoir cette intercession-là par rapport aux autres. Ou bien ils ont reçu des épreuves ou des difficultés dans cette dunya qui fait en sorte que ils ont des péchés qui ont été effacés. Parce que tout ce qui nous atteint, comme le cheikh il dit, s'ils ont eu des épreuves ou ils ont eu des malheurs, et bien chaque fois que quelqu'un est atteint d'un malheur ou d'une difficulté dans sa vie, que ce soit physique ou psychologique ou bien n'importe matériel, oui, et bien quelqu'un qui a des épreuves de ce genre, Dieu lui efface de ses péchés à cause de ça. Et il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim à ce sujet-là. Ça dit que tout croyant qui est atteint par une difficulté, il dit watab ou nasab, ou bien ram et ham et hazn, même la tristesse, la déprime, la tristesse, les soucis qui t'ont atteint, des malheurs ou des blessures ou des maladies ou peu importe qu'est-ce qui peut t'atteindre, même une épine, tu te fais piquer par une épingle ou une aiguille ou une épine, n'importe quoi, une petite blessure, tu marches sur un clou ou sur une vitre ou quelque chose qui te fait mal, n'importe quoi, Yanni. Ou même t'as la fièvre, ou t'as n'importe quoi, une maladie, ou une douleur. Eh ben, Allah, il t'efface des péchés pour ça. Non. Pour les kuffars, c'est une punition, regarde. Non. Pour les kuffars, c'est une punition. Mais pour les mu'minines, s'il est patient, s'il fait preuve de patience, il sait que ça vient d'Allah, c'est une expiation pour ses péchés. Et le cheikh il termine en disant que les sahaba sont parmi les gens, ce sont eux qui méritent le plus qu'ils soient expiés de leurs péchés à cause de ça. Parce qu'ils ont passé tellement d'épreuves pour la cause d'Allah et pour l'islam dans leur vie. Après le cheikh il dit وقال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة أي الواقعة منهم فعلا وأن لديهم رصيدا من الأعمال الصالحة التي تكفرها ف فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين. Le cheikh il dit que si ça c'est pour des choses qui font partie des péchés qui ont été réellement faits de leur part, hein, et qu'on dit que ces péchés-là seront expiés à cause des bonnes œuvres qu'ils ont faites et qui vont effacer leurs péchés, alors que dire par la suite des choses qui font même pas partie des péchés et qui font partie des choses qui sont des erreurs d'ijtihad. Hein. Donc le cheikh dit que l'ijtihad huwa bazl al-taqa fi ma'rifat al-hukm al-shar'i in asabu falahum ajran wa in akhta'u falahum ajrun wahid wal-khata'u maghfurun kama sabaqa bayan dalil dhalika qariban wa idhan fama yahduru min as-sahabi min khata' ala qimmatihi huwa bayna amrayn al-awwal أن يكون صدر عن اجتهاد وهو فيه مأجور وخطأه مغفور والثاني أن يكون صدر عن غير اجتهاد وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق الخيرة ما يكفره ويمحوه. الشيخ يذكر الاجتهاد c'est de faire un effort pour arriver à connaître un verdict de la charia au sujet d'une chose. Et si ils ont trouvé la bonne conclusion dans leur jihad, ils ont deux récompenses, sinon ils en ont juste une s'ils se trompent. Et l'erreur, quand ils se trompent, eh bien, il est pardonné, comme on a expliqué dans le hadith. Et donc, l'erreur qui est arrivée de la part du sahabi, même si elles sont très peu, hein, ils n'ont pas beaucoup d'erreurs par rapport à ceux qui sont venus après eux, eh bien, elle est donc entre deux choses. Soit que, premièrement, c'est une erreur qu'il a faite en se basant sur une ijtihad, et donc il est récompensé pour son erreur et pardonné, ou bien sinon, c'est une action qui n'est pas faite selon une ijtihad, mais que c'est fait. C'est pas fait par ijtihad, mais qu'il a des bonnes œuvres et des mérites, et le fait qu'il a précédé les autres dans la foi, dans le bien, ça fait en sorte que ce péché-là et cette faute-là sera pardonné et effacé pour lui. Et il dit ensuite, وَقَوْلُهُ ثُمَّ الْقَدْرَ الَّذِي يُنْكَرُ من فعل بعضهم إلى آخره هو كالتلخيص لما سبق وبيان فضائل الصحابة إجمالا وهي الإيمان بالله ورسوله وهو أفضل الأعمال الثاني الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهو ذروة سنام الإسلام الثالث الهجرة في سبيل الله وهي من أفضل الأعمال الرابع النصر لدين الله قال تعالى فيهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والخامس العلم النافع والعمل الصالح والسادس أنهم خير الخلق بعد الأنبياء فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وخير هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث إنهم والسابع إنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة وأنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه. الشيخ يزيد donc pour terminer, pour conclure, que peu importe, même si les sahaba, si ils ont certaines actions qu'ils ont faites qui sont incorrectes, eh bien tout ça c'est effacé par le bien qu'ils ont fait, etc. Et ils mentionnent certaines des bonnes œuvres des sahaba qu'ils ont fait à ce sujet-là. Premièrement, la foi en Allah et en son messager. Ça, c'est parmi les meilleures actions. Deuxièmement, al-hijra, le fait qu'ils ont quitté le pays de Kufr pour aller vers le pays de l'islam, de Mecca vers al-Madina à l'époque. Et il dit al-nusra bidinillah, le fait qu'ils sont venus en aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont donné la victoire et supporté l'islam à l'époque. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 8 dans sourate al-Hashr, وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, et il supporte Allah et son messager, et ceux-là sont les véridiques. Et également la connaissance qu'ils avaient, et les bonnes œuvres aussi qu'ils ont faites. Et aussi du fait que ce sont les meilleures créatures après les prophètes, parce que la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure umma, comme Allah dit dans le verset 110 dans sourate Ali Imran, كنتم خير أمة أخرجت للناس. Et les meilleurs de cette umma, parmi la umma, les meilleurs sont les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit les meilleurs d'entre vous sont ma génération, puis ceux qui la suivent, puis ceux qui la suivent. Ensuite, innahum as-safwa, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. Il mentionne un hadith rapporté par Imam Ahmed. Ce hadith-là, le sens c'est que la Umma du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, c'est la meilleure et la plus noble pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça vient résumer et conclure qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui à ce sujet-là. Puis il y a un autre sujet qu'on va faire maintenant, et puis on va conclure avec ça aujourd'hui. C'est au sujet des karamates, karamat l'awliya, c'est-à-dire les miracles qui sont faits par des hommes pieux parmi les musulmans. Et donc, savoir c'est quoi la position de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah au sujet de ces miracles-là qui sont faits par des hommes pieux. Cheikh, il dit, « Madhhab Ahl-Sunnah wal-Jama'ah fi karamat l'awliya. » Il dit, « Wa min usul Ahl-Sunnah wal-Jama'ah at-tasdiq bi karamat l'awliya wa ma yajri Allah ala aydihim min khawariq al-adat fi anwa' al-ulum wal-mukashafat wa anwa' al-qudrat wal-tasirat. والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. شيخ الزي ابن تيمية يقول maintenant de la position de أهل السنة والجماعة au sujet des miracles que les hommes pieux peuvent faire. Il dit que parmi les principes de أهل السنة والجماعة c'est qu'on croit au miracles que les hommes pieux peuvent faire après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, il leur a permis de faire, qui font partie des miracles. Et parmi ces miracles-là, il y en a qui font partie des certaines connaissances ou certaines choses que Allah leur permet de connaître. On va détailler ça en détail, Inch'Allah, donner des exemples de ça dans les paroles du Cheikh Al-Fawzan, pour montrer des exemples de ça, qu'est-ce qui s'est passé, des choses comme ça, parmi les exemples des Sahaba et des Salaf. Également, qu'est-ce qui est rapporté au sujet des nations qui nous ont précédés, comme par exemple l'histoire des gens de la caverne dans Surat Al-Kahf, et les histoires des prophètes comme Isa et sa mère, etc., les miracles qui sont faits par la mère de Isa et d'autres exemples de ce genre. Et le chef il dit, donc il y a aussi des miracles qui ont été faits à l'époque des Sahaba et des Tabi'in, et elles sont présentes jusqu'au jugement dernier. Ces miracles-là, il y en aura jusqu'au jugement dernier. Donc il commence par expliquer ça en disant, وقوله ومن أصول أهل السنة والجماعة أي من أصول عقيدتهم التصديق بكرامات الأولياء. الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجرى وهي ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. فالكرامة أمر خارق للعادة، أي المألوف الآدمي للآدميين. والأولياء جمع ولي، وهو المؤمن المتقي، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سمي وليا اشتقاقا من الولاء، وهو المحبة والقرب. فولي الله من والاه الله أو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. الشيخ يكسبليك يلديك ابن تيمية إلى ديك parmi les fondements de أهل السنة والجماعة، parmi les fondements de leur croyance، on reconnaît et on croit au miracle des hommes pieux et des salihin et des awliya. Et al-karamat, c'est le pluriel du mot karama. Et qu'est-ce que c'est la définition? C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala permet à certains hommes pieux de faire qui sont hors de l'ordinaire. C'est des choses qui sont hors de l'ordinaire, c'est-à-dire des choses qui n'arrivent pas en temps normal, qui sont extraordinaires. Yani. Et c'est-à-dire extraordinaire par rapport aux êtres humains. Et le mot awliya, c'est le pluriel du mot wali. Et c'est qui le wali? C'est toute personne qui est mu'min, qui est croyante et qui est muttaqi, c'est-à-dire qui crée Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 62 et 63 dans surat Ali Imran: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Certes, les alliés d'Allah sont. Ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Ce sont les croyants, ceux qui ont cru et qui ont attaqwa, qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et on les appelle wali, et ça vient du mot al-wala. Ça vient de al-wala. Et al-wala, c'est quoi? En arabe, c'est al-mahabba wal-qurb, c'est-à-dire l'amour et la proximité ou le rapprochement. Ok? Donc quand tu, le cheikh il dit donc le wali, c'est celui qui a pris Allah comme allié, ou qui a aimé Allah en étant en accord avec tout ce qu'Allah aime et en se rapprochant de ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكرامات الأولياء حق وقد دل عليها الكتاب والسنة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين. Donc les karamates, les miracles que les hommes pieux font, ça c'est quelque chose de vrai, et c'est véridique, il faut y croire. Et il y a des preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna et dans les narrations qui ont été rapportées de façon mutawatira, c'est-à-dire par un très grand nombre parmi les sahaba et les tabi'in. Donc on croit à ces miracles-là et on croit que c'est possible qu'ils se produisent. والناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من ينفيها من المبتدعين كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، وشبهتهم أن الخوارق لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره، إذ الفرق بين النبي وغيره هو المعجزة التي هي خرق العادة. Donc le cheikh dit que les gens sont en trois catégories par rapport au miracle des awliya. Ils disent qu'ils se divisent en trois catégories. La première catégorie, c'est ceux qui nient les miracles des awliya. Et comme par exemple les Mu'tazila et les Jahmiya, et certains parmi les Asha'ira. Eux, ils nient qu'il peut y avoir des karamates ou des miracles de la part des hommes pieux. Et leur shubha à ce sujet-là, c'est quoi? C'est qu'ils disent que si c'était permis ou si c'était possible qu'un wali fasse des miracles, alors il n'y aurait plus de distinction entre un wali et un prophète, entre un homme pieux et un prophète. Et donc, pour eux, la différence ou la distinction entre un prophète et un wali, c'est uniquement à partir d'un miracle qu'on peut faire la distinction. Et on va répondre à ça tout à l'heure. Le chef dit la deuxième catégorie de gens par rapport aux miracle ou au karamat, c'est, le cheikh dit, man yaghlu fi ithbat al-karama min ashab al-turq al-sufiyya wal-quburiyyin alladhina yadkhuluna ala al-nas wa ya'tuna bi khawariq shaytaniyya كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعابين وغير ذلك مما يدعونه لأصحاب القبور من التصرفات التي يسمونها كرامات. Donc le cheikh il dit que la deuxième catégorie c'est les gens qui exagèrent au sujet des karamat, et eux ce sont les gens qui suivent les turq soufia et qui suivent les gens qui, par exemple les gens qui allent dans les tombes etc. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent yudajjiluna ala an-nas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent aux gens. Et ils leur amènent toutes sortes de trucs diaboliques qu'ils font, comme rentrer dans le feu, ou bien de se frapper avec des trucs, il y en a pour montrer qu'ils font des, ils n'ont pas de douleur, de, même quand on les frappe, avec une arme, ou bien ils se transpercent avec des tiges de métal, ou des épées, ou des, ouais, ils se transpercent la peau, avec des tiges de métal pour montrer aux gens qu'ils ont des miracles. Ou bien, qu'est-ce que certains d'entre eux, ils vont manger du feu, ou bien ils vont s'asseoir sur des cactus, ou des trucs comme ça. Il y en a sur des, ils vont dormir sur des clous, des lits de clous, ou bien ils vont jouer avec des serpents venimeux, ou des trucs comme ça. Et ils s'imaginent, wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Et ils s'imaginent que ça, c'est des miracles. Alors que ça, c'est des choses qui viennent des shayatines en réalité. Et donc, eux, c'est des gens qui exagèrent au sujet des karamat au point de, d'affirmer des choses et de les attribuer à des gens comme étant des miracles, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec des karamat. Également, qu'est-ce qu'ils prétendent? Ils prétendent au, à propos des gens qui sont enterrés dans les tombes, par exemple, à propos de certains sayyids ou certains awliya, ce sont des gens qui sont enterrés, ils prétendent que ces saints-là sont capables de s'occuper de certaines choses ou de faire certaines choses pour eux, et ils disent que ça c'est des miracles. Hein. Donc par exemple, ils vont aller à telle ou telle tombe, et là, par exemple, s'il y a un d'entre eux qui est malade, ils vont dire par exemple, va à tel endroit, va à telle tombe, et puis tu vas être guéri. Si après être allé là-bas, quelqu'un guérit, ils vont dire, ah ça c'est un miracle d'un tel wali, ou d'un tel Sayyid, ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est des exemples de rouleaux en ce qui concerne les karamat. Et le cheikh dit, as-sinf al-thalith, al-ladhina dhakarahum al-sheikh huna, هم أهل السنة والجماعة فيؤمنون بكرامات الأولياء ويثبتونها على مقتضى ما جاء بالكتاب والسنة ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء وغيرهم غير خوارق العادات وأن الولي لا يدعي النبوة ولو ادعاها لخرج عن الولاية وصار مدعيا كذابا لا وليا ومن سنة الله أن يفضح الكاذب كما حصل لمسيلمة الكذاب وغيره ويردون على من غلا في إثباتها فادعاها للمشعوذين والدجالين بأن هؤلاء ليسوا أولياء الله وإنما هم أولياء الشيطان أولياء للشيطان وما يجري عليهم إما كذب وتدجيل أو فتنة لهم ولغيرهم واستدراج والله أعلم ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع كتاب جليل اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit que la troisième catégorie parmi les gens qui par rapport aux karamat, c'est les gens que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné, c'est les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils croient aux miracles des awliya et ils les affirment selon ce qui était rapporté dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là. Et ils réfutent ceux qui les ont niés sous prétexte de vouloir dire qu'ils ne veulent pas faire de ressemblance entre le prophète et le non-prophète. Et le chef y répond en disant qu'il y a beaucoup de grandes différences entre les prophètes et ceux qui ne sont pas des prophètes en dehors des miracles. C'est pas seulement le miracle qui distingue le prophète d'un montre qu'il n'est pas un prophète. Il y a les révélations et il y a beaucoup d'autres choses également. Et le cheikh il dit que si le wali prétendait être un prophète, eh bien, il ne serait plus un wali. Si un homme pieux prétendait d'être un prophète, il ne serait plus un homme pieux, mais il serait plutôt parmi les gens qui ont sorti de Al-Wilaya et qui sont devenus des prétentieux menteurs et non pas des awliya. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, sa voix c'est que, l'exemple c'est que Allah a toujours démasqué les menteurs, comme c'est arrivé à Musaylama Al-Kadhab, celui qui s'était prétendu être un prophète à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Musaylama, on sait tous comment il a terminé. Donc ça c'est un exemple. Et ensuite il dit, et on réfute également ceux qui ont exagéré dans l'affirmation des karamats et qui ont prétendu que les charlatans et les magiciens et les gens qui font de la sorcellerie, qui prétendent être des awliyas, on dit que ces gens-là, ils ne sont même pas des awliyas d'Allah, et plutôt ils sont des awliyas du diable, des awliyas du shaitan. Et non, parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est soit du mensonge, soit de la supercherie, ou bien soit c'est une fitna que Allah leur a donnée à eux et à ceux qui les suivent, et aussi c'est pour les faire dévier, dans le sens que c'est pour istidraj, dans le sens que quand ils vont voir qu'ils font des trucs de ce genre, ils vont dire « Ah ça y est, je suis quelqu'un de grand, je suis quelqu'un qui fait des miracles », et donc ça va être une cause pour l'emmener encore plus dans l'égarement. Et le cheikh il mentionne en passant que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a un livre spécialement dans ce sujet-là qui s'appelle Al-Furqan bayn Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan. Ça veut dire quoi? Le discernement entre les alliés de Allah et les alliés du diable. Donc ça c'est un livre qui est très bien. Il est traduit en anglais, je ne sais pas s'il y a une traduction en français encore, mais en tout cas, peut-être qu'il y en a des frais qui l'ont traduit. Cheikh dit, وفي قوله في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات إشارة إلى أن الكرامة منها ما يكون من باب العلم والكشف بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما أو يعلم ما لا يعلمه غيره ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير مثل النوع الأول قول عمر يا سارية الجبل يا سارية الجبل وهو بالمدينة وسارية في المشرق وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا وقصة صاحب موسى وعلمه بحال الغلام ومثال النوع الثاني قصة الذي علم من الكتاب وإتيانه بأرش بلقيس نعم إلى سليمان عليه السلام وقصة أهل الكهف وقصة مريم وقصة خالد بن الوليد لما شرب السم ولم يحصل له منه ضرر شيخ الجي il y a également des miracles qui font partie des connaissances et des choses qui ont été dévoilées à certaines personnes et des capacités et des effets qui sont spécifiques à certaines personnes. Et ça fait également partie des miracles, comme par exemple quelqu'un qui est capable d'entendre quelque chose que d'autres n'entendent pas ou de voir quelque chose que les autres ne peuvent pas entendre, soit en éveil ou en état de sommeil, en état endormi. Et il sait quelque chose que les autres ne savent pas. Et il y a des choses de ce genre qui font partie des capacités et des effets. Comme de la première catégorie, il y a l'exemple de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il était à Médine en train de faire un khutbah. Et durant la khutbah, il a crié, il a dit Ya Sariya, al-Jabal, al-Jabal. C'est-à-dire, il s'adressait à une partie de l'armée qui était en Orient, et il disait attention à la montagne, à la montagne, en disant faites attention, derrière la montagne il y a un ennemi qui va venir vous surprendre, alors regardez la montagne. Et le sahabi qui était là-bas, il a entendu Omar qui l'avertissait de l'ennemi qui s'approchait de cette direction-là. Et donc à cause de ça, ils ont gagné la bataille. Et quand il était retourné à Médine, par la suite, il a dit je t'ai entendu quand tu m'as appelé et tu m'as dit ça. Donc ça c'est un exemple de miracle à cette époque-là, des choses qui sont possibles de la part de certains hommes qui sont parmi les salihines. L'exemple de Abu Bakr qui avait annoncé à sa femme, ou qui avait dit que dans le ventre de sa femme il y avait une fille. Ou l'exemple que Omar avait dit que parmi ses descendants il y allait avoir un homme juste. Ou bien l'histoire de Moïse qui lui a informé de l'état, l'ami de Moussa, وعلمه بحال الغلام. قصة صاحب موسى وعلمه بحال الغلام. L'histoire de le compagnon de Moïse et le fait qu'il connaissait l'état du garçon. Je ne sais pas de quel exemple il parle ici. En tout cas, et donc l'exemple de la deuxième catégorie qu'il a donné. Une deuxième catégorie d'exemple. L'exemple par exemple de que Suleyman alayhi salam, il avait des gens qui travaillaient pour lui, puis il y en avait parmi eux, c'était des djinns, et il y en avait un parmi eux qui avait la connaissance du livre, et il lui a amené son trône, le trône de Bilqis, il lui a amené le trône en un clin d'œil. Donc ça c'est un exemple de miracle. Également l'histoire des gens de la caverne, l'histoire de Maryam, hein, quand elle était enceinte, puis elle avait faim et tout, puis elle a secoué son pied, puis il y a des dattes qui sont tombées, ou des choses qui sont tombées de l'arbre, du palmier, puis la source d'eau qui est apparue à côté d'elle pour qu'elle puisse boire, etc. Des choses comme ça, qui font partie des miracles également, qui sont arrivés dans des autres nations. Les trois jeunes de la caverne, c'était trois jeunes qui ont cru en Allah, qui n'ont pas fait le shit et tout, qui sont restés dans une caverne. Je pense qu'ils sont restés pendant plusieurs années comme ça. Oui, peut-être 300. Oui, environ 300 ans, hein, c'est ça, les gens de la caverne. Ok. C'est ça. Donc là, quand ils sont restés dans cette caverne-là pendant 300 ans, après ils sont sortis, hein, et leurs cheveux ont continué à pousser, et leur barbe et tout, et quand ils sont sortis, donc ils étaient vraiment, ils faisaient peur même. Bon, ils avaient des anciennes monnaies, exactement. Exactement, oui, c'est ça. Donc ça c'est un exemple de miracle que Allah a fait avec ces gens-là. Aussi, il y a l'exemple de Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, il y a quelqu'un qui l'avait défié de boire un poison à son époque. Je ne sais pas si c'était un parmi les mouchriquins qui lui a dit « si tu bois un poison, je vais accepter l'islam » ou quelque chose comme ça. Ou bien si c'est autre chose, mais ça a rapport avec le fait qu'il a bu du poison, puis que ça ne l'a pas tué. Donc c'est pour dire que il a fait ça, il a mis sa confiance en Allah, puis Allah l'a protégé de l'effet de ce poison-là. Après, il dit, وقوله والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة يشير بذلك إلى الكرامات التي وقعت وذكرت في القرآن الكريم وغيره من النقول الصحيحة فمما ذكره الله في القرآن الكريم عن سالف الأمم وما ذكره الله عن حمل مريم بلا زوج وما ذكر في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب موسى وقصة ذو القرنين. Donc il mentionne également qu'il faut croire aux miracles qui sont arrivés aux nations qui ont vécu avant nous, et également à ce qui a été rapporté de façon authentique au sujet des miracles des Sahaba et des Tabi'in et des groupes de la Umma. Et il mentionne les exemples qu'on a mentionnés déjà tout à l'heure. Et puis il dit ensuite: wa kal ma'thur ay al manqul bis sanad al sahih an sadr hadhihi al umma ay awwalaha min al sahaba wa al tabi'in ka ru'yati Umar al jaysh Sariyah wa huwa ala minbar al Madina wa jaysh Sariyah bi nahawand بالمشرق ونداؤه له يا سارية الجبل سمعه سارية وانتفع بهذا التوجيه وسلم من كيد العدو وقوله وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة أي لا تزال الكرامات موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة ما وجدت فيهم الولاية بشروطها والله أعلم. دونك الشيخ الذكر il faut croire en ce qui a été rapporté de façon authentique au sujet des Sahaba et des Tabi'in, au sujet de leurs miracles, comme l'exemple de ce qu'on a donné tout à l'heure du Sahabi Sariya, lorsqu'il a été appelé par Omar ibn Khattab, Omar qui était sur le même bar à Médine, puis Sariya qui était quelque part dans l'Est, et il l'a appelé en lui faisant mention de faire attention à la montagne, et il a profité de cette indication-là, puis il a été sauvé de la ruse de l'ennemi. Et il dit aussi, Ibn Taymiyyah, qu'il y aura des miracles comme ça jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier, et donc, tant qu'il y a des awliya et qu'il y a des mu'minin, salihin, il y aura toujours des miracles de ce genre, inshallah, de différentes formes et de différentes catégories. Donc on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et puis on continuera la semaine prochaine بإذن الله. Il nous reste deux chapitres. Le chapitre suivant c'est les caractéristiques des gens de أهل السنة والجماعة et pourquoi ils ont été appelés أهل السنة والجماعة. Et ensuite pour terminer les perfectionnements de la croyance parmi les makarim al-akhlaq, les bons comportements et les belles manières et des choses qui font partie des caractéristiques aussi des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Donc ça c'est les deux chapitres qu'il nous reste à voir. Probablement on va finir ça soit la semaine prochaine ou bien dans deux semaines inshallah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.